Imaginez-vous au volant du Ford Kuga hybride. Imaginez la puissance et le silence au bout des doigts. Imaginez la sensation d'une expérience de conduite inédite. Imaginez un plaisir et une mobilité sans limite. Imaginez l'électrique, c'est bien, mais l'essayer, c'est encore mieux. Pendant les Ford Power Days, profitez de nos offres avec encore plus d'avantages pour passer à l'hybride. Ford. Portes ouvertes ce week-end. Power Days signifie journée énergisante. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur l'affaire Omar Radad, du nom de ce jardinier marocain accusé puis condamné par la justice pour le meurtre de sa patronne Guylaine Marshall en 1991 à Mougins, près de Cannes. Cette histoire que vous connaissez probablement tous, c'est celle d'un meurtre encore mystérieux 30 ans après les faits. Et d'une certaine façon, côté justice, c'est l'histoire de feu mal éteint. D'abord, il y a eu la condamnation d'Omar Radad à 18 ans de réclusion, sans preuve matérielle irréfutable, mais selon ce qu'on appelle l'intime conviction des jurés, ce qui ne constitue jamais un épilogue satisfaisant, parce que le doute persiste précisément. Radad est donc jeté en prison, jusqu'au moment où il bénéficie d'une grâce présidentielle qui ressemble plus à un arrangement diplomatique entre la France et le Maroc qu'à un acte judiciaire chimiquement pur. Aujourd'hui, Omar Radad est libre, mais pas innocenté. Et depuis tout ce temps, il demande la révision de son procès pour qu'enfin la vérité éclate. Or, en juin de cette année, son avocate, Sylvie Novatovic, dépose une nouvelle requête en révision sur la foi de nouvelles analyses ADN qui mènent vers d'autres suspects et peut-être, vers un autre fin mot d'histoire. Et c'est précisément Maître Novatovic qui est notre invité aujourd'hui. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA. Récit documentaire Adrien Carra, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyen Guyenne, Jérôme Chélius et Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Dans l'après-midi du 24 juin 1991, des habitants de la petite ville de Mougins, près de Cannes, alertent leur médecin. L'une de leurs voisines, une veuve sexagénaire, bien connue dans son quartier, ne donne plus de nouvelles depuis plus de 24 heures, alors qu'elle était censée se joindre à eux, la veille, pour déjeuner. Face à leur inquiétude, le médecin de la ville se rend sur place. Il trouve porte close et prévient à son tour les gendarmes. Vers 19h, ceux-ci se rendent au domicile de la vieille dame. Après une dizaine de minutes de voiture, ils arrivent sur les hauteurs de la ville, quartier des luxueuses propriétés, à l'adresse indiquée, celle de la villa La Chamade. Une fois sur place, ils se retrouvent devant des grilles fermées. Les gendarmes décident tout de même d'entrer dans la propriété. Ils inspectent la maison, les alentours de la piscine, puis le jardin. Tout est calme et désert, aucune trace d'effraction. L'alarme de la villa n'est même pas branchée. Mais aucun signe de la propriétaire. L'un des gendarmes tente alors d'entrer dans la cave au sous-sol d'une annexe accolée à la villa, une cave dont la porte semble bloquée de l'intérieur. Après 20 minutes d'efforts, ils forcent enfin le dispositif et pénètrent dans cet espace clos et obscur. Ils actionnent l'interrupteur électrique et là, ils aperçoivent un lit pliant métallique, puis des traces de sang sur le sol. Traces qui les mènent tout droit à la chaufferie. Quelques pas plus loin, ils découvrent le corps sans vie d'une femme à terre. Cette femme, c'est Guylaine Marshall, la propriétaire. Vêtue d'un seul peignoir, allongée face contre le sol, le crâne fracassé, la gorge entaillée, un doigt sectionné, le corps transpercé par ce qui semble être plusieurs coups assénés avec un objet tranchant. À ce tableau s'ajoute, quelques mètres plus loin, sur la porte de la cave, à 20, une inscription que semble à première vue avoir écrite la victime avec son propre sang. Quatre mots en lettres capitales. Omar m'a tué. L'information fait vite le tour des rédactions. On parle alors d'un crime odieux, d'un crime mystérieux. Deux jours plus tard, l'événement fait la une. Omar m'a tué. C'est par ces mots tracés en lettres de sang sur les murs d'une villa de Mougins que commence le mystère du meurtre d'une riche héritière. Ghislaine Marshall était la veuve de l'un des créateurs de la célèbre marque de phares et de bougies automobiles. Elle a été tuée dans son mât provençal où elle vivait seule. Mais avant de mourir, elle a fourni une piste sérieuse aux policiers. Cette piste, c'est le nom inscrit de façon très lisible sur le mur de la cave à vin que les enquêteurs ont découvert en entrant. Ce fait est étonnant, car une autre inscription similaire, mais inachevée, est retrouvée à côté du bras de Ghislaine Marshall dans la cave « Omar m'a T ». Liberté, trois petits points. C'est donc la deuxième inscription. Encore plus troublant est la faute d'orthographe au mot tuer sur la première inscription, orthographiée à l'infinitif ER plutôt qu'au participe passé. Cette inscription en lettres de sang va être au cœur de toute l'affaire, la faute d'accord la plus célèbre de la chronique judiciaire. Le corps de Ghislaine Marchal se trouvait dans la chaufferie, baignant dans une mare de sang. Frappée de plusieurs coups de couteau, elle a réussi avant de mourir à désigner son assassin en traçant son nom sur le mur. Omar m'a tué. Omar m'a tué. Omar m'a tué. Sur le mur, une phrase est écrite en lettres de sang. En lettres de sang. Omar m'a tué. Omar m'a tué. Omar m'a tué. ER. ER. ER. L'enquête commence très vite et logiquement par l'audition des premiers témoins, les voisins, ceux qui ont alerté les gendarmes. On va alors découvrir qu'un nommé Omar a travaillé la veille dans la propriété contiguë à celle de Ghislaine Marchal. Ce même Omar qui fait des heures de temps à autre pour la victime. Dès lors, les enquêteurs ne vont plus se focaliser que sur une seule piste, celle d'Omar le jardinier. Seulement pour Francine Pascal, qui l'avait présenté à Madame Marchal, qui l'avait travaillé la veille dans le jardin, toute cette histoire ne tient pas la route. Il travaillait chez moi ici, il était là, il a coupé des choses là, il a changé des choses là, il s'est occupé des... Et après il est venu arroser partout parce que c'était sec et voilà. Je ne l'ai pas vu partir. Il est parti à 5 heures, mais je ne sais pas s'il s'est absenté une demi-heure, mais je ne crois pas parce que nous étions là. Nous, on faisait le soleil, mon gendre était de l'autre côté. On n'a pas vu partir et il n'est sûrement pas parti avec sa moto parce qu'il y a, on a interviewé un type qui était à côté. Il a demandé s'il y avait une moto qui était venue. Alors il n'y est pas allé avec sa moto, donc c'est à pied peut-être, mais je vois pas du tout pourquoi il y aurait été. Et pour l'égorger, ça paraît une histoire invraisemblable. D'autant plus invraisemblable que le jeune Omar est apprécié de tous. Dans le quartier, on vante son sérieux à la tâche. Au moment des faits, Omar Radad a 29 ans. Immigré marocain, il est arrivé en France 5 ans plus tôt. Son père Abdoul lui a transmis son emploi de jardinier qu'il occupait depuis 30 ans chez Francine Pascal, la voisine de Ghislaine Marchal. Omar a quitté l'école très tôt, vers 7 ou 8 ans. Aussi, il ne maîtrise pas complètement la langue française. Un point faible qui se retournera contre lui lors de l'enquête. Une enquête qui, au soir de la découverte du corps de la victime, Ghislaine Marchal, se concentre très vite sur la piste du petit jardinier modeste et discret. Car il faut aller vite. Certes, Ghislaine Marchal n'est pas l'une des plus grandes fortunes de la Côte d'Azur. Mais veuve de Jean-Pierre Marchal, un grand industriel, elle possède un train de vie très confortable et une très belle villa, la Chamade. Les gendarmes s'orientent très vite vers le crime crapuleux. Ghislaine Marchal, Omar Radad, une équation à deux inconnus. Le lendemain, les enquêteurs se rendent à Toulon où ils interpellent le jeune jardinier. Les gendarmes décriront plus tard avoir arrêté un homme stoïque et presque hébété, Omar Radad. Lors de son premier interrogatoire, dans un français approximatif, il explique qu'il était à Toulon la journée du lundi 24 juin avec sa famille. Le dimanche 23, il s'est effectivement rendu chez Francine Pascal pour faire ses heures de travail. Placé en garde à vue, il nie être l'auteur du crime. Le domicile du couple Radad, un petit appartement au Canet, perquisitionné. Les vêtements du jardinier non lavés sont saisis et analysés. On ne retrouvera aucune trace de sang. Dans le même temps, les voisins de la défunte doutent de la théorie des gendarmes qui ont fait d'Omar le coupable, déjà, oui, dans cette affaire. Quelques personnes se posent des questions et tout le monde, malgré tout, continue à le persuader innocent. Merci. Alors, je ne sais pas combien de temps vont durer les analyses. Mais enfin, là, un gars, si vraiment il n'a rien fait, c'est mon avis, je vois pas ce qu'ils font encore en cabane. Et Omar, calmement, nie toujours être allé au fond du chemin chez Madame Marchal. Car ce jour-là, dit-il, il travaillait chez une voisine à 300 mètres, Madame Pascal, qui a confirmé. Vers midi, il serait parti en mobylette, avec arrêt dans une des boulangeries de Val-de-Mougins, mais pas de souvenir. Quelques kilomètres, au moins 10 minutes, vers le Canet, où il habite, sa femme et dans la famille. Près de son immeuble, dit-il, il a croisé quelques personnes. Pas de confirmation. Déjeuner puis retour, et là, une preuve, j'ai téléphoné, dit-il, chez ma belle-mère. Et les télécoms ont bien retrouvé l'appel à 12h51 minutes. 51 minutes, l'alibi s'est resserré, mais alors qui d'autre a pu entrer ? La villa avait des alarmes, mais était-elle branchée ce jour-là ? Pas de traces à midi, malgré le bip que Madame Marchal n'a jamais utilisé. L'énigme du 23 juin n'annonce pas encore de fin. L'emploi du temps d'Omar, un alibi jugé trop faible par les enquêteurs. Parallèlement, une hypothèse circule selon laquelle, quelques jours plus tôt, le jardinier se serait disputé avec la défunte à propos d'une avance de salaire que celle-ci lui aurait refusée. Ajoutons à cela le fait qu'il soit marocain et puisse tenter de quitter la France. Il n'en faut pas plus pour que le magistrat décide, à l'issue de la garde à vue, d'inculper le jardinier le 27 juin 1991 pour homicide volontaire. Le même jour, Omar Haddad est incarcéré à la maison d'arrêt de Grasse. Fait étonnant, alors que l'enquête n'est pas terminée, 9 jours après sa mort, Ghislaine Marchal est incinérée. Il ne sera dès lors plus possible d'effectuer sur elle aucune expertise. Pendant ce temps, la défense d'Omar s'organise. Francine Pascal, la voisine qui croit farouchement à l'innocence du jardinier, lui a trouvé un avocat. Elle est même prête à prendre en charge ses honoraires. Le 3 août, les experts rendent leurs conclusions après l'analyse graphologique sur l'inscription de sang Omar m'a tué. Ils sont formels, c'est bien la défunte qui a écrit ce sinistre message durant son agonie et avec son propre sang. C'est sur cet élément que va reposer entièrement le dossier d'instruction à charge contre Omar Haddad. Un élément sur lequel certains journalistes vont commencer à émettre des doutes. Comment est-il possible que dans le noir absolu, Ghislaine Marchal, mourante, ait pu écrire aussi lisiblement cette inscription, qui plus est avec des caractères bien espacés? Et pourquoi cette faute de grammaire, l'une des plus grossières qu'on puisse commettre? La confusion entre l'infinitif et le participe passé, qu'on croise souvent d'ailleurs, mais tout de même. Omar m'a tué. Omar m'a tué. Omar m'a tué. Sur le mur, une phrase est écrite en lettres de sang. En lettres de sang. Omar m'a tué. Omar m'a tué. Omar m'a tué. ER. ER. Au printemps 1993, 2 ans après les faits, malgré les doutes qui continuent d'entourer l'enquête, l'instruction est close. En prison, depuis ce temps, Omar Haddad crie toujours son innocence et son angoisse, car il doit comprendre qu'il est présumé coupable, pas présumé innocent comme le voudrait l'esprit de la loi. Les avocats du jardinier ont beau demander un non-lieu pour absence de preuves et pour les erreurs commises par les gendarmes durant la procédure. Rien, non, rien n'y fait. Pour le juge, le dossier fourni, assez fourni pour justifier l'incarcération. Prochaine étape, le tribunal. Le 24 janvier 1994, le procès du meurtre de Ghislaine Marchal s'ouvre devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice. Toute la presse judiciaire est là. Plus de 50 journalistes venus de toute la France. Il y a tellement de zones d'ombre. En premier lieu, l'absence de preuves contre l'accusé. Oh, bien sûr, ce n'est pas rare en cour d'assises. Mais là, c'est un cas d'école. En effet, seule l'inscription en lettres de sang sur la porte de la chaufferie et l'absence d'alibi permettent de mettre en cause Omar Haddad. Un mobile bancal, pas d'arme de crime et pas de témoin. Au cours des audiences, le jeune jardinier s'exprime avec l'aide d'un interprète et bien sûr, il clame son innocence. Son avocat, Jacques Vergès, met sur le compte d'un assassin pervers les inscriptions destinées à faire accuser son client. Et il est vrai que cette hypothèse est celle qui vient à l'esprit, presque par réflexe. Un autre ou une autre ferait porter le chapeau du crime à Omar, quelqu'un qui le connaît forcément, puisqu'il l'appelle Omar. Dans son plaidoyer, Jacques Vergès insiste sur le changement de la date du décès de Ghislaine Marchal dans le rapport des médecins légistes. Oui, d'abord il est daté du lundi 24 juin, jour où l'alibi d'Omar est recevable, justement. Il était à Toulon en famille. Or, 6 mois plus tard, les médecins rectifient, justifiant qu'une erreur de frappe s'était glissée et qu'en fait, Madame Marchal est morte le dimanche 23 juin. Comme par hasard, à cette date, Omar travaillait dans la propriété voisine de la Chamade et là, son alibi ne tient plus. Pour l'accusation, Omar Haddad avait des dettes de jeu, il aurait donc tenté de voler la victime avant de la tuer. 1 mois après l'ouverture de l'audience, le jury délibère. Nous sommes le 21 février 1994. C'est en soirée que tombe le verdict. France Inter. Le jury l'a donc condamné sans R. Verdict aux assises des Alpes-Maritimes. 18 ans de réclusion criminelle pour Omar Haddad, reconnu coupable du meurtre de sa riche patronne, Ghislaine Marchal. Verdict rendu après 7 heures de délibération. Mathieu Aron. Omar Haddad, coupable, à l'énoncé de ce verdict, la femme du jardinier marocain s'effondre en larmes. Un peu plus tard, elle sera évacuée dans une ambulance du SAMU. Lui est calme, il se fait traduire la peine. 18 ans de réclusion criminelle, il devient livide. Dehors, la foule, 200, 300 personnes, de nombreux Marocains, ils ont attendu pendant les 7 heures qu'a duré le délibéré. C'est la déception et la colère, les cris « Omar, innocent ». À la sortie de la salle d'audience, Jacques Vergès, le défenseur d'Omar Radad, s'indigne. Quelqu'un dont j'ai prouvé l'innocence a été condamné à une peine qu'il ne mérite pas. C'est la célébration du centenaire de l'affaire Dreyfus. Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. Pour Omar Radad, c'est retour en prison et cette fois à Muret, près de Toulouse. Il y restera près de 4 ans. Et malgré les nouveaux éléments que vont apporter le détective privé engagé par Jacques Vergès, un certain Roger-Marc Moreau, des éléments, des nouvelles pistes. Et au bout du compte, une requête rejetée par la Cour de cassation en mars 1995. J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois, je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Tout va si mal, est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Tel soudain, me feras-tu un bébé pour Noël? Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sous la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets. Sensible sur France Inter, aujourd'hui l'affaire Omar Radad. Après plusieurs mois de négociations entre Paris et Rabat et devant l'insistance du roi Hassan II du Maroc, le 10 mai 1996, le président Chirac accorde une grâce partielle à Omar Radad, réduisant sa peine de 4 ans et 8 mois. Un accord secret prévoit que dans le même temps, un prisonnier français emprisonné au Maroc rejoindra la France. Échange de bons procédés. Une mesure de clémence qui pour l'Élysée ne doit pas être interprétée comme une quelconque forme d'innocence. Et c'est bien le problème. interroger l'écrivain Jean-Marie Roire, fervent défenseur de Omar Radad et auteur d'une contre-enquête sur le dossier, réagit, scandalisé. C'est un compromis. Et on a l'impression que dans cette affaire, tout a été un compromis. Vous savez qu'il a été condamné à 18 ans de prison avec les circonstances atténuantes. En réalité, ces circonstances atténuantes ne voulaient rien dire, puisque ou bien il était coupable, et à ce moment-là, son crime était odieux, atroce, et il méritait le maximum de la peine, ou bien il était innocent, et à ce moment-là, il devait être acquitté. Alors vous voyez, à chaque fois, on a été dans le compromis, dans la demi-teinte, et ce n'est pas à l'honneur de la justice. Je considère que la seule solution valable, c'était la révision du procès, c'était de casser ce procès qui n'a pas été fait dans de bonnes conditions, une instruction qui a été très négligée, et donc il fallait revenir à zéro et essayer d'ouvrir les pistes qui n'ont pas été ouvertes au moment de l'enquête, au moment de l'instruction. Il fallait essayer de faire un véritable procès. D'ailleurs, cette demi-mesure ne satisfera personne, parce que, bien sûr, elle donnera une satisfaction à Omar, mais au fond lui-même, mettez-vous à sa place, s'il est innocent, ce que je crois, simplement la libération n'apportera pas la satisfaction profonde qu'il souhaite. C'est-à-dire, étant innocent, il souhaite que justice lui soit rendue. Mais oui, pourquoi cette demi-mesure? Pourquoi ne pas l'avoir gracié totalement, donc normalement? Des questions aujourd'hui encore sans réponse, mais qui, à n'en pas douter, traduisent un certain embarras autour de cette affaire. Quant à Omar Radad, il peut espérer bénéficier d'une libération conditionnelle à partir de janvier 1998. Nous sommes en 1996. Pour cela, deux conditions sont requises. Avoir une adresse et une offre d'emploi concrète. En février 1998, le comité consultatif de libération conditionnelle donne un avis favorable à la libération du jardinier. Enfin, pense-t-on. Parce que Place Vendôme, la ministre de la Justice de l'époque, Elisabeth Guigou, refuse à plusieurs reprises les propositions d'emploi avancées par le jardinier pour pouvoir quitter la prison. Il faut attendre le 4 septembre 1998 pour que, après 7 ans passés derrière les barreaux et 45 jours de grève de la faim, plus une tentative de suicide, Omar Radad, qui a toujours clamé son innocence, retrouve enfin la liberté. Bonsoir. Omar Radad est libre. À 8h ce matin, il a quitté la prison de Muret, près de Toulouse. Il y avait beaucoup de journalistes ce matin devant la prison de Muret, près de Toulouse. Beaucoup de photographes, beaucoup de micros, beaucoup de caméras pour accueillir Omar Radad, le jardinier condamné à 18 ans de prison et qui est sorti ce matin, donc après 7 années de réclusion, bénéficiant d'une grâce partielle et d'une libération conditionnelle. À peine sorti dans la bousculade provoquée par les journalistes, Omar Radad a dit « Je suis innocent et je veux que la justice le reconnaisse ». Et c'est au micro de la reporter Marie-Christine Loriol de France Inter qu'Omar Radad livre ses premiers mots. Je suis innocent. Dans ma tête, je suis libre. Je ne suis pas innocent pour la justice, mais pour moi, je suis innocent. Pour mes enfants, je suis innocent. Pour ma famille aussi. Pour beaucoup de Français aussi, il ne faut pas oublier. Ça fait ça taille de moi, j'attends la journée là, mais c'est vrai, jamais j'ai pensé que je vais faire ça de prison pour rien. Moi, des fois, ça m'est arrivé pleurer, ça m'est arrivé rigoler, parce que je dis, c'est quoi ça? C'est pas Omar, il faut la justice, il trouve le vrai coupable, il faut nous parler de vrai coupable. Bien sûr, j'attends de la vérité. Il faut la justice et connaître ses erreurs. Je continue le combat avec la justice pour moi, encore une fois, pour ma famille, parce qu'il ne faut pas oublier des choses pareilles, parce que c'est quelque chose, je pense, c'est très très grave pour la justice française. Pourquoi on cache le coupable? Ça sert quoi? Omar Radad, enfin libre, commence alors un long chemin pour la réhabilitation. Le 27 janvier 1999, Jacques Vergès dépose une requête en révision. En effet, le détective privé qui l'a engagé a retrouvé un manœuvre tunisien dont le témoignage n'a pas été retenu par les enquêteurs et qui signale pourtant la présence au domicile de la victime d'une femme blonde. Ces investigations auraient également permis d'orienter les soupçons vers le fils de la victime. De son côté, maître Henri Leclerc, l'avocat de la partie civile, dénonce, je le cite, des accusations qui pour lui sont absolument insupportables. Le 2 février 2000, la commission de révision des condamnations pénales ordonne une nouvelle expertise graphologique et deux nouveaux experts sont nommés. Six mois plus tard, dans un rapport de 150 pages, les experts en écriture estiment que l'inscription « Omar m'a tué » pourrait ne pas avoir été écrite par la victime. Pour maître Jacques Vergès, qui demande toujours la révision du procès, ce nouvel élément disculpe son client. L'élément essentiel, je dirais même unique, contre Omar Haddad était l'inscription « Omar m'a tué ». Il n'y a pas de témoins, on n'a pas trouvé de gens qui disent qu'on a vu Omar Haddad dans la maison, il n'y a pas de sang sur lui, on n'a pas retrouvé chez lui des objets volés, rien. Il n'y a rien de concret, entre guillemets, sauf cette inscription dont deux graphologues ont dit au cours de l'instruction qu'elles étaient d'écriture de Mme Marshall. La commission de révision a ordonné une expertise confiée à deux experts près de la Cour de cassation. Et ces deux experts, après six mois d'études, tout cela aboutit à la conclusion on ne peut plus dire que Mme Marshall est l'auteur de l'inscription. Et cela disculpe pratiquement votre client. C'était la seule chose qu'il y avait contre lui. Est-ce qu'on est sûr que ça soit du sang, cette écriture rouge ? Alors, j'avais demandé qu'on examine pour voir si c'était du sang, et si c'était le sang de Mme Marshall, il apparaît que c'est le sang de Mme Marshall, effectivement. Dans les mois qui suivent, la défense va demander une nouvelle expertise des traces sur les portes et sur le chevron de bois, objet central dans le crime. Les experts vont alors retrouver des traces d'ADN. Le 20 février, rebondissement, l'empreinte génétique prélevée sur la porte de la chaufferie, là où on avait retrouvé le corps de Guylaine Marshall, trace mêlée au sang de la victime pour écrire la fameuse phrase « Omar m'a tué » n'est pas celle d'Omar Haddad. Les analyses sont formelles, l'ADN n'est pas celui du jardinier mais d'une autre personne. Pour le détective Roger-Marc Moreau, auteur d'une contre-enquête qui a duré plus de 3 ans, ce nouvel élément indiscutable prouve l'innocence du jardinier. C'est un élément très important. Car Omar Haddad, nous le savions, ne pouvait pas en être l'auteur de cette inscription, car c'est une des faiblesses du dossier, il n'avait aucune égratignure, aucune blessure. Et nous savions pourtant que Mme Marshall s'était défendue bec et ongles. Par conséquent, elle avait quasi obligatoirement blessé son agresseur. Et donc, son agresseur a déposé de l'ADN sur la porte. Ça ne pouvait pas être Omar Haddad, évidemment, car la version de l'accusation disait bien que l'inscription avait été faite après le départ du meurtrier, alors que Mme Marshall s'était enfermée à l'intérieur de la chaufferie. Donc, ça excluait toute possibilité que son agresseur ait pu déposer, finalement, de l'ADN sur l'inscription. Sauf s'il s'agissait d'une mise en scène. Et qui finalement, l'auteur d'inscription n'ait pas été Mme Marshall, mais bel et bien le meurtrier lui-même. La commission de révision des condamnations pénales va alors se saisir de la demande. Or, elle est rejetée en novembre 2002, au motif que ces nouveaux éléments ne sont pas de nature à lever le doute sur la culpabilité de l'accusé, tel est l'intitulé judiciaire. Omar Haddad, choqué, clame son indignation. Cette décision, c'est une injustice. Je ne sais pas comment elle a fait la justice pour prendre une décision pareille. Mais qu'est-ce que je ne comprends pas aujourd'hui? Parce que la justice s'arrêtait là pour moi. Ça commence par moi et s'arrête sur moi. On ne demande jamais à les autres. C'est un choc, mais encore une fois, le combat est continué. Jusqu'au bout, toute ma vie, je combats toute ma vie. La prochaine étape, c'est la Cour européenne. De son côté, son avocat, Jacques Vergès, parle d'une vérité que, selon lui, on veut cacher. Dans cette affaire, la vérité ne sera pas étouffée, même si elle dérange des gens haut placés. La vérité se fera jour, même si elle se fait jour pour un petit jardinier, contre des gens de la haute société, protégés par des milieux extrêmement influents. Ce que je reproche à la justice en France en général, dans ce domaine, c'est d'aller vite à la vague que je te pousse. Il y a des éléments que l'avocat général devant la commission de révision a signalé, des faits nouveaux. Il y a dans deux taches du sang de Mme Marshall, deux ADN d'hommes, et ces deux ADN d'hommes sont différents, et ce ne sont pas ceux d'Omar Haddad. Et on me dit, circuler, il n'y a rien à faire. Je laisse chacun en face de sa conscience, mais moi je continuerai le combat et je le remporterai. Là-dessus, je ne céderai pas, malgré les souhaits que certains peuvent nourrir. Depuis, l'affaire stagne. L'avocate de Marada, notre invitée, maître Sylvie Novakovic, a entamé de nouvelles démarches en 2011 pour que le parquet de Grasse fasse de nouveau expertiser les traces d'ADN retrouvées sur la porte. Ce à quoi les magistrats lui ont répondu que les prélèvements avaient déjà été utilisés dans le cadre de la procédure et qu'il faut dès lors attendre l'autorisation de la chancellerie pour que de nouveaux tests soient effectués. Voilà. Depuis, la demande lancée par Maître Novakovic est restée sans réponse. Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Omar Haddad, dont nous allons parler avec notre invitée Sylvie Novakovic, l'avocate d'Omar Haddad. Bonjour. Bonjour. Vous étiez venu déjà pour notre première, la première diffusion de cette histoire. C'était le 1er décembre 2014, au début de d'affaires sensibles d'ailleurs. Alors depuis 2001, comme on l'a rappelé, l'affaire a connu de nombreux rebondissements. D'une part, de nouveaux résultats d'expertise graphologique qui affirment que Ghislaine Marchal n'est peut-être pas l'auteur de l'inscription de sang. Et d'autre part, le fait que l'ADN retrouvé sur les portes ne correspond pas au profil génétique d'Omar Haddad. Malgré ces deux éléments majeurs pour l'instruction, il n'est toujours pas question d'un procès en révision. Mais vous, le 26 juin dernier, vous avez déposé une demande de révision sur la base d'éléments nouveaux, de traces ADN. Expliquez-nous, s'il vous plaît. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, autant parler de l'historique, en fait, depuis le jour où on s'est vu, parce qu'en fait, on venait juste de réouvrir le dossier, j'avais obtenu la réouverture de dossier par le parquet, par M. Bedos, procureur de Nice, suite à la loi du 20 juin 2014, et promulguée le 1er octobre 2014. Donc vous avez été très au fait de l'actualité, puisque effectivement vous avez voulu que je m'exprime sur cette réouverture de dossier. Et j'étais extrêmement optimiste, effectivement, parce qu'un expert a été désigné expert génétique. Et comme vous le savez, depuis 2008, je me suis battue, c'était un combat de titans, pour obtenir cette expertise que je n'arrivais pas à obtenir, et le procureur, à chaque fois, m'opposait à une fin de non recevoir. Il s'avère que grâce à cette loi, eh bien, j'ai obtenu cette réouverture, nous avons eu une expertise, et manque de chance, Monsieur Bedos, procureur qui vraiment s'intéressait à l'affaire et était très minutieux, a été muté et remplacé par Monsieur Prêtre. Et là, je précise que mon combat de titan est redevenu très d'actualité. Ça a été très difficile, le contact a été très compliqué parce que je n'avais jamais les éléments en temps en heure, ils n'étaient communiqués que par l'intermédiaire des médias, et les rapports d'expertise, je les avais au compte-gouttes. Cela étant, j'ai pu récupérer des rapports d'expertise, il me manque encore certains éléments, mais Monsieur Pascal, Docteur Pascal, a déposé des rapports formidables, des rapports qui démontraient que mon obstination n'était pas une obstination pour rien, pour un combat pour rien, puisque il y avait bien non seulement les fameux deux ADN qu'on avait retrouvés à l'époque de la division, mais bien c'était quatre, c'est même plus deux. C'est quatre ADN mélangés au sang de la victime. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le progrès de la science. Et c'est la raison pour laquelle c'est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, non seulement on remarque qu'il y a quatre ADN complets mélangés au sang de la victime, mais surtout deux qui peuvent être comparés au fichier national des empreintes génétiques. Et un, et c'est celui-là qui m'intéresse le plus, voyez-vous, c'est celui qui se trouve sur la porte de la chaufferie, parce qu'on la trouve, on trouve cet ADN complet à 35 reprises, le même, sur la porte de la chaufferie, et sur le tracé des écritures en lettres de sang, mélangées au sang de la victime. Donc vous comprenez bien que ça, et j'aurais bien aimé, effectivement, visuellement, vous montrer ce tracé, mais vous, de toute façon, je m'exprimerai le jour du procès, effectivement, en révision, qui aura lieu certainement d'ici la fin de l'année, dans lequel on voit véritablement que ça ne peut pas être ce qu'on appelle un ADN de pollution, mais forcément le véritable criminel, parce que je veux bien qu'on me dise il y a un ADN qui aurait pu appartenir à un enquêteur, à un journaliste, parce qu'on en trouve un qui se balade effectivement sur les traces. Mais oui, bien sûr. Mais là, à 35 reprises, voyez-vous, 35 reprises mélangées à la trace et sur la trace des écritures, là on ne parle plus d'un hasard dû à un ADN de pollution. Sachant qu'à l'époque, et ça c'est important de le rappeler, à l'époque du meurtre de Madame Marshall, l'histoire des ADN, ça n'existait pas, on n'en parlait pas. L'histoire de là, effectivement, de ces ADN qu'on pouvait retrouver, etc. Les gens ne prenaient pas, les cambrioleurs, les meurtriers, ne mettaient pas de gants, si vous voulez, hein. Ils n'avaient prenaient pas de précautions parce qu'ils ne savaient pas qu'on pouvait un jour déceler l'existence de ces ADN, véritablement des coupables qu'on trouve aujourd'hui au FNAG, etc. Alors, donc c'est vrai que ça permet effectivement aujourd'hui d'avoir des éléments très intéressants. Alors, justement, sur ce porteur de cet ADN qu'on retrouve 35 fois, et est-ce qu'il est au fichier national? Est-ce qu'à partir de ce moment-là, on va voir qui est la personne et que peut-il se passer après? Alors, c'est là aussi où c'est quand même un élément très intéressant, c'est qu'en fait, pour moi, il y a plusieurs meurtriers. Il y en a eu plusieurs. Il y a plusieurs auteurs, parce que ça a été commandité, enfin quand je dis commandité, ça a été organisé à l'avance, donc c'était pas quelque chose d'improvisé, parce que c'était très très très bien organisé quand on voit la scène du crime, comment ça a pu se passer. Et notamment, non, effectivement, ce qu'on voit à 35 reprises, cet ADN n'a pas matché avec le fichier national des empreintes génétiques. Donc c'est quelqu'un qui n'avait pas été condamné jusqu'alors, lorsqu'il a commis le meurtre. Ça c'est très intéressant. Par contre, il y en a un autre ADN qui a matché. Ah. Et un nom est sorti. Ah. Mais ce nom, très curieusement, alors qu'il était quand même, en faisant les recherches, il est identifié de façon quasi complète d'après l'expert à hauteur de 80%. Comme par miracle, au bout de un an après ce rapport d'expertise, on me renvoie, on me dit, parce que j'ai même pas le rapport, on m'indique que via le communiqué de presse de Monsieur Prêtre, j'apprends que d'un seul coup, bah non, ça n'a rien à voir. La personne qui a été identifiée n'a rien à voir avec cette histoire, alors même qu'il a été identifié de façon quasi complète à 80%. Qu'est-ce que vous en concluez de ça? Et vous? Bah dites-moi, je vais... je suis mieux placé. Je vous pose la question, et je vous pose à vous la question, à la question aux auditeurs. Vous en pensez quoi? Ben, on en pense que l'expertise n'est pas terminée, oui. Que bien évidemment, il faut aller au bout du dossier, que bien évidemment, moi je reste convaincue que ce nom est sorti et qu'il faut aller plus loin dans les recherches, parce que je suis persuadée que soit c'est cette personne, soit il faut faire une recherche qu'on appelle en parentèle, c'est qu'en fait ça peut être l'un de ses parents, ascendant, quelqu'un, un cousin éloigné. Donc il y a un vrai travail à effectuer de ce côté-là. De ce côté, du côté de cet ADN qui a été retrouvé, effectivement, qui a été matché, et du côté, effectivement, de l'ADN qui n'a pas matché, qui est extrêmement intéressant, bien évidemment, eh bien, celui-là, on doit faire une comparaison avec toutes les personnes qui ont approché de près ou de loin Madame Marshall, tout simplement. Oui, mais celui-là, il sait que on a trouvé un ADN qui n'a pas matché, mais lui ou elle sait qu'elle était sur la scène de crime, coupable. Vous ne craignez pas que cette personne s'enfuit? Non, mais de toute façon, on va... Alors, la personne, vous parlez celle qui a matché, bah, évidemment. Ah, parce qu'en plus, elle a été au grand... Ça a été, vous vous rendez compte que ça a été quand même déclaré au grand jour. Parce que, je sais pas, c'est une scène de crime que vous avez une enquête qui est menée, on dit rien. Hein. On trouve un ADN qui matche, immédiatement on convoque la personne, on appelle la personne, ça reste discret. Ah ben non, on le déclare d'abord à la presse, et puis après on le convoque. Et je ne sais même pas si c'était convoqué d'ailleurs, parce que j'ai toujours pas les éléments de l'enquête. Ah, voilà, donc toujours dit que c'est un scandale. J'ai été très choquée de cette façon de procéder, je m'en suis jamais cachée d'ailleurs. Bon, alors, vous dites, il n'y a pas un criminel, mais plusieurs, tout ça est organisé, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion ou hypothèse, à partir de ce postulat? Je pense que clairement, le meurtre de Madame Marchand a été commandité par quelqu'un, on ne sait pas qui d'ailleurs, hein, je n'accuse absolument personne, mais clairement c'était préparé à l'avance, d'ailleurs ces personnes-là connaissaient Omar Haddad forcément, parce qu'ils ont mis Omar sur les traces de sang. Donc forcément, c'est des gens qui se sont dit bon, mais de toute façon, il est analphabète, il sait ni lire ni écrire. Bien évidemment, ce sera le coupable idéal. Oui. C'était le coupable idéal d'ailleurs, parce que quand on voit l'enquête, d'ailleurs, votre reportage a été extrêmement bien factuel et très bien construit. Merci. Parce qu'on voit bien dans cette histoire que c'est un truc de fou, parce que quand il a été auditionné la première fois, quand il s'est mis en garde à vue, vous savez qu'il y avait ni avocat ni traducteur. Ah oui. Et ça ne veut ni lire ni écrire. Ouais. Donc, quand vous avez un PV que vous êtes auditionné, on ne peut pas considérer que toutes les déclarations qui sont faites sont conformes à ce qu'il dit, puisque de toute façon, déjà, il avait du mal à comprendre. Donc, déjà, c'était compliqué. Oui. Et donc, pas d'avocat lors de la première heure de garde à vue? Bah non. Parce qu'on était... Il n'avait pas d'avocat. Ouais, la loi n'était pas passée. Il n'avait pas du tout d'avocat, ni de traducteur, donc c'était n'importe quoi. Ouais. Et puis il m'a expliqué, monsieur Omar Haddad, que l'histoire de la boulangerie, quand il s'est retrouvé effectivement avec eux et qu'ils l'ont baladé un petit peu en voiture, ils lui ont pas dit où ils allaient. Et ils l'ont vu descendre à un moment donné. L'un des policiers descendre, les gendarmes descendre. Il ne savait pas où il allait. Et en fait, apparemment, il s'est rendu dans la mauvaise boulangerie. Donc ils ne l'ont pas dit, ils ont dû sortir de la voiture, l'amener. Et avec lui, aller dans les deux boulangeries, l'une en face de l'autre d'ailleurs. Et non, ça s'est pas passé comme ça, il est resté dans la voiture. Et pareil, au niveau de quand ils ont fait la reconstitution, mais Dieu merci, Omar Haddad ne s'est pas rendu il a refusé de se présenter dans les lieux en disant, de toute façon, je n'ai aucune raison d'aller à la reconstitution, puisque je n'y étais pas. Et puisque je n'ai jamais, effectivement, commis le meurtre de Mme Marchand, je ne me suis jamais rendue dans les lieux, donc je refuse d'aller faire cette reconstitution. Mais heureusement, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que sur la scène de crime, eh bien, il n'y a jamais eu l'ADN d'Omar Haddad, parce que là, on a retrouvé des nouveaux ADN. Mais de nouveau, son ADN a été tout de suite recomparé, vous imaginez bien. Ça, par contre, on loupe pas. Hein, oui, on ne lâche pas l'affaire. Il a tout de suite été recomparé. C'est pas sien. Oui. Dites-moi, parce que, d'après tout ce que vous me dites, ça fait écho, j'y pense maintenant, là, avec le récit, à ce que disait Vergès. Il disait, on veut cacher la vérité. Qui veut cacher la vérité? Pourquoi? Écoutez, malheureusement, on peut pas tirer de conclusion. Tout ce que je vois, c'est que la justice n'aime pas reconnaître ses torts, ça c'est sûr. Ah bah oui. Et c'est pourquoi je suis très heureuse de cette nouvelle loi, et vraiment, Georges Fenech a fait un énorme travail, je suis ravie qu'il soit d'ailleurs maintenant à mes côtés dans le cadre de cette révision. Parce que, effectivement, là, on a rendu compte qu'il a fallu créer une loi pour dire au juge, écoutez, attention, la loi sur la révision de procès, il faut un simple doute, il faut un doute certain et plus une certitude pour réviser. Mais c'était déjà l'esprit de la loi à l'époque. Mais il a fallu refaire une nouvelle loi pour leur dire, attention, il faut vraiment un simple doute pour réviser. Vous rendez compte à quel point la justice n'aime pas reconnaître ses erreurs? Bien sûr. L'ADN par parentèle, ça c'est un grand progrès quand même, non? Mais c'est énorme. Hein? Alors vous savez que j'ai dû toujours dans mon combat de titan, mais c'est moi je suis quelqu'un qui ne tant que je constate qu'il y a une erreur judiciaire, une injustice, je ne lâche pas. Et d'ailleurs, oui. Je suis contente d'avoir pris la suite de Jacques Vergès parce que je ferai honneur à son souhait. J'irai jusqu'au bout effectivement. Et votre ton l'illustre. Hein, on sent bien que vous êtes, vous dites une affaire, je sais pas. Non mais c'est vrai. Et je trouve vraiment dans ce dossier qu'il y a tellement d'incohérences et d'erreurs. Et de grossières erreurs qu'on ne peut pas lâcher l'affaire comme ça. Mmh. On ne peut pas. Et si vous voulez, moi, qu'est-ce que je demande tout simplement ? Je demande simplement la vérité judiciaire. Vous avez des ADN qui ont été retrouvés mélangés chez la victime. Vous avez cet acharnement dont je fais preuve effectivement aujourd'hui parce que j'avais raison de m'acharner comme ça quand je vous ai vu en 2014. Vous dites, regardez, je suis sûr qu'il va se passer quelque chose. Il sait pas qu'il y a quelque chose. Vous voyez cette expertise, on ne s'est pas vu depuis. Mmh. Vous voyez, j'avais bien raison. Et c'est vrai que pourquoi est-ce qu'on s'acharne de ne pas vouloir savoir à qui ça appartient ? Parce que après tout, c'est aussi l'intérêt de la partie civile. Puisque la famille de Madame Marshall, pourquoi elle ne veut pas savoir à qui ça appartenait ? Puisque elle devrait aussi être curieuse de savoir à qui effectivement les ADN pourraient appartenir. Puis si c'est son, si tout le monde est si sûr de soi, eh bien voyons à qui ça appartient. Si on me dit c'est un journaliste, eh ben voilà, très bien. D'accord. Et qu'on nous le dise. Bien sûr. On se retrouve dans 3 minutes. Hein. Surtout ne quittez pas. On va écouter Arlo Parks qui chante Hope, espoir. To talk the pleasure back into being alive, reminiscing about the apricots and blunts on Peck and Rye. Won't call her friends, cause she's ashamed of being locked into bed. Sylvie Novakovic, dans cette histoire, comme je le laissais entendre lors de l'introduction de l'émission, il y a tellement de choses d'un point de vue de la justice et de ce qu'on attend de la justice d'insatisfaisant. Je ne parle pas d'horreur judiciaire, de scandale judiciaire, je parle d'insatisfaction. Il y a eu cette condamnation par le doute, il y a eu cette grâce ou semi-grâce qui ressemble plus à un arrangement diplomatique, tant mieux pour Omar Haddad, cela dit, hein, mais après il y a eu ces expertises qu'on n'a pas voulu faire. Vous voyez ce sentiment d'insatisfaction judiciaire? Absolument, je suis complètement d'accord avec vous. Et vous vous rendez compte que on n'est pas aux États-Unis et pourtant j'ai dû faire comme aux États-Unis, c'est que me débrouiller par moi-même et même faire appel moi-même à un expert qui puisse m'expliciter le rapport du docteur Pascal, un expert près de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a eu la gentillesse effectivement de m'aider dans ma tâche parce que des éléments scientifiques, moi je veux pas dire n'importe quoi non plus. Donc il a explicité par trois rapports, il m'a fait trois rapports dont le dernier date du 30 septembre 2020. Et bien tout ça et l'histoire des 35 traces qu'on retrouve sur les traces de sang et en lettres de sang de Madame Marchal, vous rendez compte que c'est l'expert qui me l'a expliqué, parce qu'en fait ça n'apparaissait pas dans ce qui m'avait été communiqué. Ouais. Donc tout ça c'est quand même très troublant, très très énervant et très troublant, et surtout on se dit mais pourquoi on nous bloque à ce point. Et aujourd'hui, il faut savoir que l'affaire, parce que souvent j'entends des gens qui disent « Ah mais qu'est-ce qu'elle a fait entre-temps ?» Ben, entre-temps, il y a toujours le 18 mars 2021, parce qu'il faut savoir que j'ai fait des recours et des recours devant Monsieur Gély, procureur d'Aix-en-Provence, parce que je me suis pas arrêtée. Ce que je vous dis pour Monsieur Prête, sachez que je me suis pas arrêtée là, j'ai fait des recours, évidemment. Et Monsieur Gély ensuite a été muté, et Monsieur Gély a été remplacé ensuite par Mme Lecot, qui est nouveau procureur général d'Aix-en-Provence. Et maintenant, il y a un nouveau procureur à Nice, qui est vraiment bien, Monsieur Bonhomme, qui a pris le dossier en main et qui a fait droit à une nouvelle demande d'expertise de ma part aussi parallèlement. Alors, j'ai saisi quand même la Cour de révision parce que j'estime que maintenant ça suffit. C'est pas moi faire le boulot de la justice, en fait. Parce que là, je suis là pour essayer de trouver le véritable meurtrier. Mais est-ce vraiment mon travail? C'est le travail de la justice. Bien sûr. Même pas d'avoir à le demander, en fait. Oui. Oui, c'est vrai qu'on n'est plus dans l'esprit de notre justice, mais plutôt dans l'esprit de la justice américaine, finalement. Mais oui, complètement. J'ai l'impression d'être un avocat américain qui se bat pour essayer de faire mon enquête. Je fais mon enquête actuellement. Bon. Alors, le malaise aussi, c'est que ça renvoie, alors c'est pas la seule affaire, mais ça renvoie au doute quand on n'a pas de preuves matérielles irréfutables. Est-ce qu'on peut pas réfléchir quand même autour de cette notion de doute? Ben, elle existe dans l'arsenal juridique français, judiciaire français, je le sais bien, mais ça crée toujours un malaise, non? Exactement, mais je vous dis, l'histoire du doute, c'est absolument incroyable, parce que moi j'ai été auditionné à l'occasion en 2013, lorsqu'ils ont voulu créer cette loi sur les. Enfin réviser effectivement les procès de façon plus facile, plus rapidement. Et surtout plus facile, parce qu'on ne pouvait pas les réviser, parce qu'il n'y avait que 7 procès révisés depuis 1945, c'est rien du tout. Et il s'avère que justement, toute la question du doute a été posée, au point que, avec Georges Fenech et Alain Touret, on s'est dit, bon, bah, le doute, on n'a qu'à dire doute simple. Alors du coup, la loi est passée comme ça, sauf que le Conseil constitutionnel a dit, mais non, un doute est forcément simple. Eh ben non. Donc du coup, maintenant, dans la loi, à nouveau, il y a marqué doute. Donc, on sait que l'esprit de la loi, c'est doute simple. Mais comme à nouveau il y a marqué doute, parce que le Conseil constitutionnel dit que le doute c'est forcément doute simple, vous imaginez, c'est quand même incroyable. Eh bien, il faut que la Cour de révision que j'ai saisie, pour qui j'ai déposé mon mémoire en révision, il faut qu'elle garde bien cela en esprit, c'est le fait que c'est le doute. Maintenant, c'est la nouvelle composition de la Cour de révision, elle doit être dans cet esprit de la nouvelle loi de 2014. Donc on parle plus de doute irréfutable, mais de simple doute. Et là, dans l'affaire Omar Haddad, alors c'est pas parce que je suis son avocate, mais sincèrement, avec tous les éléments qu'on a au dossier, parce que j'ai le droit, dans le cadre d'une révision, d'évoquer le doute qui existait, les autres éléments qui étaient préalables déjà au moment du procès, mais également lors du procès en révision de 2001. Donc quand on cumule tous ces éléments qui s'ajoutent aux ADN que j'ai fait retrouver, vous imaginez bien que là, si ce procès n'est pas révisé, eh bien je pense que toute la France entière doit se révolter, parce que là, tout le monde est concerné, tout un chacun est concerné, parce que ça peut vous arriver demain, bien sûr, ça peut arriver à n'importe évidemment. Qui demain. Évidemment, alors, cette notion de doute, elle renvoie à une autre notion qui s'appelle l'intime conviction. Alors, une conviction qui ne devrait, ce serait plus simple, aller que dans un sens, celui de l'accusé, car mieux vaut relâcher un coupable que de condamner un innocent. Pardon, c'est un peu simple ce que je vous dis, mais on a l'impression qu'on passe à côté des choses les plus simples. Mais c'est pas simple, c'est tout à fait la vérité, c'est ce que j'apprends, c'est ce qu'on apprend tous en première année de droit. Ah oui. Voilà, sauf que j'ai l'impression que les magistrats, ils oublient les premières années de droit, il faut que refaire, il faut y avoir des formations obligatoires comme les avocats aujourd'hui tous les ans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout, c'est une trêve de plaisanterie, c'est vrai qu'en Dieu merci, nous avons d'excellents magistrats qui ont bien cette notion en tête. Mais il faut vraiment qu'il y ait un changement des mentalités pour qu'on comprenne que le doute doit bénéficier à l'accusé, et lorsque vous avez des éléments vraiment, qui démontre qu'il n'y a pas, lorsque vous n'avez pas d'éléments, plus particulièrement au contraire, lorsque vous n'avez pas d'éléments dossier, qu'il n'y a pas de preuves, pas d'éléments matériels, et simplement une intime conviction, mais ça veut dire quoi? Lui, il a une tête qui me plaît pas, alors on va le faire condamner? Ben, ça rime à quoi? Non, il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de condamnation. C'est voilà. Tout. Alors, écoutez, ce sera le mot de la fin. Ça va vite, hein. On a mis le temps quand même de dire ce qu'on avait à dire. Sylvie Novakovic, à bientôt peut-être pour le développement de cette affaire. À bientôt, avec grand plaisir, et j'espère que ce sera pour la révision qu'à cette occasion nous pourrons nous parler. Bien sûr. Merci, au revoir. Merci infiniment. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui l'affaire Omar Haddad, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Pierre Faucillon. Retrouvez Affaires Sensibles, la pièce de théâtre adaptée de l'émission actuellement au Tristan Bernard à Paris.